bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition Migration et de la programmation culturelle, donc Catherine Vitole de Vinden, qui va échanger avec Arnaud Vasmer, que vous connaissez sûrement, puisqu'il intervient régulièrement. Et puis nous sommes vraiment très heureux d'ouvrir aussi la question migratoire, puisqu'elle est abordée dans l'exposition sur le seul territoire de la Bretagne, même si bien évidemment il y a des valeurs qui sont partagées plus largement. Donc là, à travers l'Atlas des migrations, tel que va vous le présenter Catherine Vitole de Vinden, donc c'est tout un pan beaucoup plus large et qui est intéressant ici d'aborder dans toutes ces phases. Et puis nous avons présenté donc cette conférence avec Hermine. Alors je vais laisser Cédric Chopin vous présenter Hermine rapidement, et puis ensuite place à la conférence. Merci, juste deux petits mots. Donc Hermine est un groupe de recherche universitaire qui appartient au CRBC Rennes 2. Et donc depuis plusieurs années, nous menons des conférences dont l'objectif est d'abord théorique sur les questions de nationalité, de migration, etc. Donc on se retrouve dans les mêmes thématiques. Deuxièmement, nous observer le monde. Notre deuxième axe d'étude, c'est observer le monde, donc avec, en faisant venir des intervenants un peu du monde entier. Et le troisième axe, c'est penser la Bretagne, enrichie de toutes les connaissances que nous pouvons retirer des autres axes. Il s'est trouvé que là, d'habitude, nous travaillons entre chercheurs, mais il s'est retrouvé qu'on pouvait travailler ensemble, hein, un peu par hasard au départ. Et puis, pour nous, c'est très important que de travailler avec le Musée de Bretagne, puisque ça nous permet de faire découvrir un public plus large ce qui se passe dans le monde universitaire. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontres très agréables, avec Françoise Berrétreau notamment, et avec d'autres intervenants. Notre troisième livre est sous presse au pur, et puis le quatrième est en préparation. Voilà. Sous la direction de Roland Lequadic, normalement. Merci. Merci. Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette rencontre du Musée de Bretagne avec Catherine Vitole de Vinden. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Parmi vos différentes activités, je vais citer celle de la Cité nationale de l'immigration, de l'histoire de l'immigration. Vous êtes membre du comité scientifique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'immigration, parmi lesquels la question migratoire au XXIe siècle, les nouvelles migrations, lieu, homme, politique, et puis un livre qui va être au cœur de notre rencontre aujourd'hui, un atlas des migrations, un équilibre mondial à trouver, c'est son sous-titre, et il est paru aux éditions Autrement avec des cartes, je le cite parce que comme on va voir les cartes, je vais citer l'auteur des cartes qui est Madeleine Benoît-Guyot. 3% de la population mondiale, à peu près 240 millions de personnes sont des migrants aujourd'hui, c'est trois fois plus qu'il y a 40 ans. Et pour entrer dans la conversation, je vous propose tout de suite de regarder une première carte qui montre les flux migratoires dans le monde. Cette carte nous montre donc que toutes les régions du monde sont concernées par les migrations, que les mouvements ne se font plus seulement du sud vers le nord, des anciens colonisés vers les anciens colonisateurs. Un mot juste pour la légende, pour vous dire, pour les verts de la carte, que plus le vert est foncé, plus la part de migrants dans la population est importante. Alors, ma première question, Catherine Vitole de Vinden, elle est naïve, mais on parlera évidemment ce que cela peut changer, ces nouvelles migrations dans la diplomatie, dans l'économie, dans les rapports sociaux et rapports humains. Mais en quoi cette carte, et par son intensité, par l'essence des flux migratoires, serait nouveau dans l'histoire d'une humanité qui a tout le temps migré? Tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, là, on disait qu'il y avait 3 millions de migrants internationaux dans le monde. Au XIXe siècle, on en avait 5 millions. Donc, il y avait plus de migrants. Un migrant, c'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né, selon la définition des Nations Unies. On avait plus de migrants au XIXe siècle qu'aujourd'hui. Sauf qu'ils allaient toujours dans les mêmes destinations. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde, et c'est ça la nouveauté, sont concernés par les migrations. Comme on le voit sur la carte, on voit qu'il y a des tas de régions qui, pendant longtemps, n'étaient pas des régions de départ ni d'accueil ni de transit qui le sont devenues. Beaucoup de pays du monde sont devenus à la fois pays de départ, pays d'accueil, pays de transit, alors qu'il y a même 20 ans, on avait d'un côté les pays de départ, d'autre côté les pays d'arrivée. Et d'autre part, on le voit un tout petit peu avec la carte, les migrations se sont régionalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de régions qui sont presque autosuffisantes en termes de migration, puisqu'il y a à la fois les départs et les arrivées. Par exemple, si on prend le cône sud latino-américain, aujourd'hui, l'essentiel des migrations, c'est des migrations qui viennent du cône latino-américain, c'est-à-dire les pays andins vers ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, mais aussi l'Argentine, le Chili, le Venezuela, etc. À l'intérieur, un migrant d'Afrique sur deux va vers un pays du sud et notamment en Afrique. Donc là aussi, il y a une très grande mobilité interne dans toutes ces régions migratoires. En Australie, aujourd'hui, l'essentiel des migrants viennent de pays asiatiques et non plus pour plus de la moitié du Royaume-Uni et d'Irlande. Donc ça aussi, ça a changé. Donc les migrations se sont régionalisées en essayant parfois de construire, mais pas toujours, des espaces institutionnels de mobilité. Autre question naïve, après j'en poserai plus, mais je reste un peu sur les questions simples pour débuter. Est-ce que cette carte, on peut la superposer à d'autres cartes des flux de marchandises, des flux économiques qui, eux, sont évidemment beaucoup plus fluides que les flux humains ? Disons qu'on pourrait la mettre en parallèle, ce que je fais d'ailleurs dans l'Atlas, avec le richesse et pauvreté dans le monde. Si on regarde l'indice du développement humain, c'est un chiffre qui a été inventé par l'économiste Amartya Sen, qui était un prix Nobel d'économie, qui a dit on peut mesurer le développement humain de façon chiffrée pour l'évaluer en croisant l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Et si on croise ces trois critères, on a en rouge, pour simplifier, je vous dis, le continent africain, et puis de plus en plus vers le vert, l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, etc. Donc en fait, ça montre que plus on est défavorisé du point de vue du développement humain, plus on a tendance à être une région de départ, et plus on est favorisé, plus on est une région d'accueil, ce qui montre que de tout temps, les hommes ont toujours été, et les femmes, puisque les femmes, c'est la moitié de la migration à l'échelle mondiale aujourd'hui, ont toujours été rationnels dans leur comportement. Ils vont vers là où il y a des opportunités et là où les moyens de transport leur permettent aussi de bouger. Pendant très longtemps, ce qui freinait beaucoup la migration, c'était l'absence de transport de masse. Et ça s'est beaucoup développé à un coût moindre depuis 30 ans. Alors, est-ce que, outre cela, les raisons de départ des migrants ont aussi changé ? Parce que voilà, il n'y a pas que le travail, il y a les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés qui fuient des zones de conflit. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs facteurs. D'une part, il y a des facteurs qui paraissent importants, mais qui, en termes de migration, n'ont pas eu un impact considérable, comme la chute du mur de Berlin, par exemple. On a dit qu'au lendemain de la chute du mur, on aurait des hordes de gens qui viendraient vers l'Europe, ce qui a été totalement démenti par les faits. Mais on a eu des gens qui sont venus plutôt comme pendulaires, comme des gens qui font des allers-retours, de plus en plus mobiles, ce qui a été le cas d'ailleurs pour l'Europe d'Est en Ouest quand on a commencé à ouvrir les frontières, le rideau de fer donc. Mais on a aussi bien sûr les conflits. La plupart des réfugiés dans le monde, c'est des gens qui viennent de zones de conflit. Et c'est l'Afghanistan qui, dans le monde, a produit le plus de départs. On a eu 6 millions de personnes qui ont quitté l'Afghanistan depuis l'invasion soviétique de 1978. Donc c'est le record mondial. Après, il y en a qui sont revenus, repartis, etc. Et puis ensuite, on a l'Irak aussi, qui est une grande source de départ. La question kurde, entre les quatre pays qui ont cette population, a apporté beaucoup de migrants aussi forcés, si j'ose dire, vers l'Europe, mais aussi dans le monde. Et puis, on a d'autres causes qui sont, par exemple, l'inégalité homme-femme. Donc, il y a une migration féminine aujourd'hui isolée qui existe, qui n'existait pas dans le passé. C'est pas uniquement du regroupement familial. Les mineurs non accompagnés, les étudiants, aujourd'hui, c'est un phénomène en pleine effervescence, en montée. Et ça, je crois que c'est un élément de dialogue à l'échelle mondiale très important. On a également des entrepreneurs. On a toute une migration d'expertise du nord au sud et du sud au nord. Donc, on a des profils qui sont complètement diversifiés par rapport à la figure un peu emblématique. D'un côté, on avait le réfugié, de l'autre côté, côté l'ouvrier spécialisé qui travaillait dans l'industrie ou dans l'agriculture. On est dans des profils complètement ouverts aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pays d'arrivée qui se singularisent justement par les profils des migrants ? Alors on pense évidemment à l'Amérique du Nord et à l'Europe qui, où il y a les migrations pour le travail, pour fuir des régions de conflit. Mais est-ce que, comme ça, dans le monde, il y a des pays ou des zones qui sont plus favorables pour les réfugiés économiques, plus favorables pour d'autres types de migrations ? Pendant très longtemps, les pays d'Europe du Nord étaient des pays assez généreux, si j'ose dire, quant à la reconnaissance du droit d'asile, ce qui fait qu'ils ont accueilli pour l'essentiel leur migration en Suède, par exemple, ou en Norvège, c'était une migration de réfugiés. Aujourd'hui, ça s'est diversifié. Mais le Canada est connu pour avoir, ou l'Australie, pour avoir une migration sélective, parce que c'est une migration de peuplement. Quand on est admis, en principe, on est admis pour non seulement être un migrant, mais pour être un futur citoyen. Donc on a une migration sélectionnée selon des critères, essentiellement de diplôme, de langue, de toutes sortes d'éléments. Et donc ça crée une migration un peu différente. On a des pays qui ont plutôt une migration de main-d'œuvre banale, comme les pays du Golfe, par exemple, parce que c'est des pays très peu peuplés, qui ont beaucoup de richesses et qui ont besoin de créer tous ces chantiers qui existent là-bas. Donc, c'est un autre type de migration. Effectivement, il y a des profils qui sont un peu différents d'une région à l'autre, mais aussi des profils de migrants, au départ, qui peuvent être différents, puisqu'il y a des pays qui produisent beaucoup de diplômés, puis il y a des pays qui produisent surtout une main-d'œuvre non qualifiée, par exemple, ou uniquement une migration féminine, ou uniquement une migration masculine. Donc il y a des spécificités qui se créent. Alors je vous propose une autre carte, celle de l'Union européenne, terre d'immigration. Ben, on commence peut-être justement par le Nord, ce que vous disiez tout à l'heure, qui était plus généreux. C'est quand même ces pays du Nord qui aujourd'hui accueillent le moins de migrants. Oui, ben, ils accueillent moins de migrants parce que déjà ce sont des pays qui ont produit pas mal de technologies, donc pas nécessairement des industries. La carte des migrations en Europe, pendant très longtemps, elle a correspondu à la carte des grandes zones industrielles. C'est particulièrement vrai en France où les migrants, en gros, c'est Paris, Lyon, Marseille, un peu la Lorraine, un peu le nord de la France et les régions qui n'étaient pas très industrialisé avec des industries de main-d'œuvre, comme l'ouest de la France, avait moins de migration. Ensuite, on est passé à d'autres profils de migrants, comme je vous l'ai dit, et le nord de l'Europe a peu de migration dans l'ensemble, parce que d'abord, c'est des pays qui sont très peu peuplés, hein, faut pas oublier la Finlande, tout ça, 5 millions d'habitants, donc peu peuplés et qui ont des nouvelles technologies, donc qui n'ont pas des besoins de main-d'œuvre considérables. Puis les conditions du climat font que effectivement, l'exploitation de ressources agricoles ou forestières se fait plutôt par une population locale. Ça, c'est un premier facteur. Un deuxième élément, c'est qu'une partie de ces pays nordiques étaient des pays qui étaient sous le régime soviétique, communiste tout au moins. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de migration, tout au moins dans cette région. Les gens qui venaient travailler, c'était plutôt des gens d'Asie centrale, qui viennent toujours d'ailleurs travailler à Moscou, Saint-Pétersbourg, mais pas tellement dans l'Est de l'Europe qui était assez peu peuplée, par exemple les États baltes. Il n'y avait pas une grande tradition de migration à l'intérieur du bloc communiste d'Est en Ouest, ce qui explique que pour l'instant ces pays ont peu de migrants, sauf un peu la Lettonie, mais c'est artificiel, parce que la Lettonie a gardé une population russe qui était installée en Lettonie déjà, avant la chute du mur de Berlin. Et donc, 33% de la population est constituée par des Russes. Mais ce n'est pas une vraie migration. C'était un mélange de populations russes et lettonnes installées dans ce pays qui a une très grande capitale par rapport à la taille du pays. Donc, qui explique l'importance de l'activité économique et donc le fait que ces gens qui étaient russes ont préféré rester en Lettonie et devenir européens aussi que de repartir en Russie. Ils étaient installés là parfois depuis 50 à 100 ans. Donc on a moins de migration en Europe de l'Est à cause de leur entrée récente en Europe et donc à leur faible industrialisation aussi, comme par exemple la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie. Et le gros de la migration, c'est l'Allemagne. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est de très loin le premier pays d'immigration en Europe. C'est aussi le pays qui a accueilli à peu près les trois quarts des demandeurs d'asile textiles de l'Europe entre les années 50 et aujourd'hui. Et en plus de ces migrants étrangers, c'est-à-dire non nationaux, l'Allemagne a accueilli 2 millions d'Allemands ethniques. C'est-à-dire qui ne sont pas dans le chiffre que vous avez de 6,7 millions. En plus, il faut ajouter 2 millions de gens qui étaient des Allemands de l'extérieur, c'est-à-dire qui vivaient dans les États baltes, qui vivaient en Russie, au Kazakhstan, etc., qui étaient installés là depuis 300 ans, et qui, depuis Catherine II, en gros, et qui sont revenus en Allemagne puisqu'ils ont pu sortir enfin du pays, et donc comme ils étaient de langue allemande, de culture allemande, souvent de religion non orthodoxe, se sont réinstallés en Allemagne, donc des migrants au titre du droit du sang, donc ils ont eu la nationalité allemande, ils ne sont pas comptabilisés dans les migrations sur la carte, mais il faut rajouter que l'Allemagne a eu aussi 2 millions de nouveaux arrivants. Donc c'est de très loin le premier pays d'immigration. La France a été longtemps le deuxième pays d'immigration en Europe, jusque même dans l'Atlas de 2009, c'est encore vrai. Et puis on a eu le boom espagnol, qui fait que l'Espagne est aujourd'hui, avec le boom économique des années 2000, le deuxième pays d'immigration en Europe, suivi ensuite par l'Italie et le Royaume-Uni. Et la France est devenue le cinquième pays d'immigration en Europe, mais le plus ancien pays d'immigration en Europe, puisque la France a manqué de main-d'œuvre dès les révolutions industrielles du 19e siècle. C'est un pays qui était en déclin démographique depuis la fin du 18e siècle et qui donc a eu une croissance économique, notamment à partir de 1850, alors qu'elle manquait de main-d'œuvre. Donc il y avait un décalage, si j'ose dire. Ce qui fait qu'elle a fait appel assez tôt à des migrants d'abord de voisinage, des Suisses, des Belges, des Allemands, et puis ensuite des Polonais, des Italiens, etc., des Kabyles, mais qui n'étaient pas à l'époque, qui faisaient partie de l'empire colonial français, et puis ensuite les ex-Yougoslaves, les Turcs, les Africains subsahariens, les Portugais, etc. Les Portugais sont encore la première nationalité en France, qu'on a tendance à oublier. Un mot sur, je reviens sur l'Est, sur la Pologne, parce qu'on voit que c'est un lieu de passage. On sait aussi qu'il y a beaucoup de Polonais qui viennent s'installer dans l'Ouest de l'Europe. Hein, je crois que juste Dublin, donc la capitale de l'Irlande, ça va être à peu près un quart de la population. Ça, c'est historique ou c'est lié à l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne? C'est lié, en fait, pendant très longtemps, la Pologne. D'abord, elle est venue, il ne faut pas l'oublier, elle est venue travailler en France. Hein. On a toute une histoire de la migration polonaise dans le nord et dans l'est de la France, les mines de Lorraine et puis dans le nord de la France. Et on est allé chercher les Polonais chez eux, si j'ose dire, hein, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Et ensuite, c'est des catholiques, etc. Ça rassurait les employeurs qui, à l'époque, dans les années 30, avaient le monopole du recrutement de la main-d'œuvre étrangère. Il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas fait par l'État, c'était fait par des grandes entreprises privées, ce qu'on appelait la Société Générale d'Immigration. Donc, ils sont allés chercher les Polonais. Mais ensuite, les Polonais sont venus, après la chute du mur, en Allemagne surtout. Hein. L'essentiel de leur migration, c'était en Allemagne, parce que c'était à côté. Il faut oublier que Berlin n'est qu'à 80 km de la frontière polonaise, donc c'était relativement facile. Il fallait juste traverser la frontière Oder-Neisse, qui enfin devenait franchissable légalement. Et donc, ces Polonais sont venus pour faire toute une série de petits métiers ou comme commerçants, ce qu'on appelle les commerçants à la valise, c'est-à-dire qu'ils mettaient dans la valise tout ce qu'ils pouvaient emmener, y compris leurs chaussures, leurs réveils, etc. Je suis allée voir ça à Berlin. Et puis, ils partaient, ça finançait leur survie avant de trouver du travail en Allemagne. Et puis ensuite, l'Angleterre et l'Irlande et la Suède, en 2004, quand tous ces pays sont entrés dans l'Union européenne, ont ouvert leurs portes tout de suite au marché du travail, ce qui n'était pas le cas des autres pays européens. Donc ils ont pu, plombier polonais. Voilà, ils ont pu travailler légalement dans ces trois pays. Donc ils sont venus surtout au Royaume-Uni et en Irlande. Donc il y a eu un afflux d'une migration polonaise à la fois très qualifiée et peu qualifiée, de courte durée et de longue durée dans ces pays. Puis une partie sont reparties avec la crise de 2008, donc notamment d'Irlande, vers la Pologne, où les situations sont à peu près équivalentes dans l'un et l'autre pays. Donc en fait, ça continue à être une population très mobile. Hein. Les Polonais, ils vivent aujourd'hui à l'heure des vols low cost. Chaque fois qu'il y a des low cost vers l'Europe de l'Ouest, il y a des Polonais. Et est-ce que dans l'ouest de l'Europe, on migre beaucoup finalement à l'intérieur de cet ouest européen ? Parce que sur le marché de l'emploi, on utilise beaucoup la notion de mobilité qui est une valeur, mais qui est toujours très plus compliquée évidemment à mettre en place. Paradoxalement, et notamment, je me permets de terminer, par rapport à la situation de l'Allemagne ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que l'Allemagne attire aussi davantage à la fois des travailleurs qualifiés et puis des travailleurs plus larges qui viendraient d'Espagne, d'Italie ou de Grèce ? Alors, c'est vrai que l'Allemagne continue à être un grand pays d'accueil, mais c'est aussi un pays de départ. Je crois que l'année dernière, c'était la première fois où il y avait ce qu'on appelait un solde migratoire négatif, c'est-à-dire il y a eu plus de sorties que d'entrées. Ça veut dire qu'en fait, dans ces Allemands, il y a aussi des doubles nationaux, notamment des gens qui sont d'origine turque, puisque la population turque, c'est 4,4 millions en Europe, et une partie d'entre eux, près de 3 millions, se trouvent en Allemagne. Et donc, ces Turcs qui sont devenus Allemands, puisque l'Allemagne a changé son droit de la nationalité en 2000, sont comptabilisés comme Allemands, mais sont pour partir retourner, notamment les enfants, en Turquie, parce qu'il y a des opportunités pour des diplômés qu'ils sont devenus beaucoup plus importantes parfois qu'en Allemagne. Donc, ils sont partis travailler, non pas en Anatolie, mais à Istanbul, par exemple. Donc, on a eu une vague de départ très importante. Mais c'est conjoncturel, c'est lié à la crise. Mais l'Allemagne continue à être une zone d'attraction, notamment pour les diplômés italiens, les diplômés espagnols, par exemple, ou grecs, tout à fait important, compte tenu de sa bonne santé économique par rapport à d'autres pays européens. En revanche, aujourd'hui, on a d'autres pays d'où on part, des Européens qui quittent l'Europe. Par exemple, les Espagnols, qui pour certains vont en Europe du Nord. Aujourd'hui, une sorte de, je dirais pas de pillage des cerveaux, mais moi, je l'observe puisque je suis dans le monde universitaire. Beaucoup de jeunes thésards ou post-docs, comme on dit, viennent tenter leur chance en Angleterre, bien sûr, mais aussi au Danemark, en Suède. Alors là, on voit, les laboratoires sont pleins de jeunes chercheurs italiens, espagnols, portugais, grecs, parce qu'il y a plus d'opportunités dans ces pays que dans les pays de départ. Pas seulement pour les sciences humaines, dont je fais partie, mais aussi dans les sciences dures. Ce que me disait un collègue mathématicien, c'est que ces gros labos de l'Europe du Nord-Ouest, ils sont pleins de chercheurs. Lui, il est italien, donc par exemple. Hein. Donc en fait, aujourd'hui, il y a des mouvements nouveaux qui se sont faits avec la crise. Et puis aussi des migrants, par exemple, qui étaient nombreux en Espagne parmi les latino-américains, qui repartent pas nécessairement dans leur pays, s'ils venaient de pays andins, mais plutôt au Brésil, où ils vont aller au Venezuela, etc. Donc il y a des mouvements comme ça, ou des gens qui étaient des Portugais qui vont travailler en Angola aussi. Donc l'Europe redevient une terre de départ, ce qu'elle a été tout au long du 19e siècle, comme on le voit d'ailleurs dans l'exposition. Et puis dans les mouvements internes à l'Europe, mais pas que, il y a évidemment aussi le tourisme, et puis il y a une population européenne qui est dans le mouvement, c'est tout les Roms. Fait. Alors absolument. Voilà, on a choisi de ne pas mettre une carte qui indique où ils sont, mais qui se déplacent aussi beaucoup, qui absolument. Sont intégrés ou pas dans les chiffres que l'on alors, a là. Jusqu'en 2004, en gros, il y avait 3% d'Européens qui bénéficiaient de cette liberté de circulation, d'installation et de travail. Donc très peu d'Européens ont profité jusqu'à l'ouverture à l'Est de leur mobilité interne, parce que souvent il y a des problèmes d'équivalence des diplômes, parce que les gens les moins diplômés sont plus perdants en étant mobiles parfois qu'en gardant les petits bénéfices qu'ils ont en restant sur place. On peut habiter, je dirais pas chez sa grand-mère, mais aller manger dans la famille. On peut, si on a un tout petit salaire et si on part dans un pays étranger, ben c'est vrai que c'est moins simple. En plus, si on parle pas la langue, c'est plus compliqué. Donc seuls les moyennement diplômés et les très diplômés étaient mobiles, d'où une faible population européenne mobile à l'intérieur d'un espace qui permettait la mobilité. En revanche, les gens de l'Est, ils ont profité à fond de cette mobilité, surtout les deux pays les plus peuplés que sont la Pologne et la Roumanie. Pourquoi est-ce qu'on ne voit guère que des Polonais et des Roumains en Europe de l'Ouest ? Tout simplement, c'est les deux pays les plus peuplés. Les autres pays qui sont entrés dans l'Union européenne ont à peine 10 millions d'habitants. Donc, ce sont des petits pays, sans parler même de Malte ou de Chypre, ce qui fait qu'on a une faible mobilité. Alors, les Roumains, il y a bien sûr, pour l'essentiel, des non-Roms, mais il ne faut pas oublier que dans ce pays, les Roms constituent 10% de la population. Hein. Donc, il y a 2 millions de Roms en Roumanie. Il y a 750 000 Roms en Bulgarie, sur une population de 8 millions d'habitants. Donc, en fait, il y a eu une entrée en mobilité de populations qui pour certaines n'étaient pas mobiles, d'ailleurs qui avaient été sédentarisées pendant le communisme et qui sont reparties à la recherche de, bah, parce qu'ils avaient perdu beaucoup de leurs droits sociaux et donc qui sont reparties pour essayer de mieux améliorer leur quotidien dans l'Europe de l'Ouest. Donc on a eu une nouvelle entrée en mobilité de ces populations, sachant que beaucoup des pays d'où ils viennent, notamment l'ex-Yougoslavie, mais aussi Roumanie et Bulgarie, reçoivent des financements européens. On dit qu'il y a à peu près 13 millions de Roms dans l'ensemble des pays européens, mais que dans la plupart des cas, ils ne reçoivent pas les programmes, les bénéfices qui leur sont attribués par l'Europe parce que leur pays ne leur redistribue pas à eux. Donc ça n'a pas amélioré leur situation. Outre l'entrée des nouveaux pays d'Europe centrale dans l'Union européenne, est-ce que les modes d'entrée, les lieux d'entrée ont beaucoup changé ces dernières années ? Parce qu'il y a l'espace Schengen, on a aussi fortifié, contrôlé les frontières. On a mis des murs aussi à droite, à gauche, notamment là, dans l'enclave espagnole au Maroc. Oui. Ça a beaucoup du coup changé. Oui, ça a beaucoup changé parce qu'il y a des nouveaux lieux de passage. Par exemple, en France, on a beaucoup parlé de Calais et Sangatte. Pourquoi ? Depuis l'Afghanistan, en gros. Hein. Parce que ce sont des gens qui, pour l'essentiel, ont souvent des liens avec des Pakistanais qui sont leurs voisins, mais qui sont aussi au Royaume-Uni. Donc, souvent, ils sont plutôt anglophones et ils cherchent d'une part à entrer dans un pays non Schengen parce que dans le système Schengen, l'Angleterre ne fait pas partie de Schengen, contrôle elle-même sa frontière, donc il n'y a pas le système informatisé des entrants illégaux. Donc ils, en toute impunité, ils peuvent essayer d'entrer et puis ils ne sont pas dans l'ordinateur, si j'ose dire, ils ne peuvent pas être renvoyés vers leur pays s'ils ont illégalement passé la frontière et été répertoriés comme tel, parce que c'est un fichier qui vaut pour toute l'Europe de Schengen. Donc premier avantage du Royaume-Uni. Deuxièmement, ils parlent souvent un peu l'anglais, ils ont de la famille proche ou lointaine au Royaume-Uni, et surtout en Angleterre, il n'y a pas beaucoup de contrôle d'identité et on peut s'insérer dans un marché du travail communautaire, si j'ose dire. Donc ils disparaissent dans la nature plus facilement que dans d'autres pays européens. Cette difficulté donc est accrue par le système, bien sûr, européen. Donc ils vont jusqu'au bout de l'Europe et puis après ils sont en France et ils se disent, ben voilà, maintenant il faut traverser la mer. Donc on a depuis plusieurs années des gens qui campent à Sangatte, puis maintenant à Calais, puisqu'on a détruit ce qu'on appelait la jungle de Sangatte, où ils campaient dans les anciens bunkers qui avaient été construits par les Allemands pendant la guerre. Et si vous allez à Calais, si vous rencontrez des associations, c'est le sujet. Les Afghans, les Irakiens, les Kurdes qui sont dans la région, quelques Africains qui cherchent à passer en Angleterre, qui sont une population jeune souvent, relativement scolarisée, etc., et qui dorment dehors, puisqu'il faut les disperser, il ne faut pas qu'il y ait une concentration de cette population, etc. Sans solution, en réalité, y compris des mineurs. Donc ça, c'est un point de passage important. Calais, parce qu'à Calais, il y a le point de départ de l'Eurostar, il y a les camions qui prennent aussi le tunnel sous la Manche, il y a aussi les bateaux qui vont jusqu'à Boulogne, donc on les voit aussi jusqu'à Boulogne, etc. Il y a un passage permanent, aussi bien de marchandises que de personnes, donc il y a beaucoup d'opportunités pour passer au Royaume-Uni malgré le contrôle des frontières. Il y a aussi des morts, bien sûr. Autre point de passage, effectivement, la frontière interne au Maroc, Ceuta et Melilla, qui sont des enclaves espagnoles au Maroc, au nord, à côté de Tanger. Et donc, il y a une tentative d'entrée dans cet espace, puisque là, on est en Espagne, on n'est plus au Maroc. Donc, et ensuite, idéalement, pouvoir passer dans un camion qui irait en Espagne, etc. Donc, il y a tout un trafic, des gens qui campent, il y a un mur qui a été construit, il y a eu des morts, etc., par l'Union européenne, le mur de Ceuta, pour dissuader de passer. Je ne dirais pas empêcher, mais dissuader. En revanche, Gibraltar, qui est maintenant extrêmement bien contrôlé par un système européen qui est un système de contrôle des bateaux, qui s'appelle le système intégré de vigilance externe, le CIVE, n'est plus tellement un point de passage aujourd'hui. Mais les îles Canaries le sont, notamment pour les subsahariens qui essayent d'arriver aux Canaries par le Sénégal. Donc, ils arrivent en Espagne. Ensuite, on a Bien sûr, toujours l'île de Lampedusa. Pourquoi on parle toujours de l'île de Lampedusa ? Parce que, non pas parce que c'est la terre de l'auteur du Guépard, mais c'est une île qui est à peu près à équidistance de la Tunisie et de la Sicile. Donc, c'est la plus proche pour les Tunisiens. Cette toute petite île donc, reçoit en permanence des Tunisiens. Il y a eu des Libyens après les révolutions arabes. Et ensuite, quand ces gens arrivent à Lampedusa, bien, ils sont conduits en Italie continentale, si j'ose dire, pour voir si c'est des demandeurs d'asile, si c'est des sans-papiers, etc., dans l'espoir d'une éventuelle régularisation, parce que l'Italie a beaucoup régularisé dans le passé. Donc ça, c'est un point de passage. En revanche, il y a d'autres points qui sont moins utilisés. Par exemple, entre l'Albanie et l'Italie, on a des quantités de photos de bateaux surchargés qui arrivaient avec des Albanais vers Brindisi. Aujourd'hui, c'est moins vrai, parce que l'Italie a conclu des accords de main-d'œuvre avec l'Albanie. Et en gros, si vous allez dans le sud de l'Italie, vous verrez que pour le ramassage des fruits et légumes, les bergers, tout ça, tous les métiers agricoles sont occupés aujourd'hui par des Albanais, parce que c'est une région qui démographiquement se vide. Donc il n'y a plus tellement de passages d'Albanais. L'autre point de passage sensible, c'est entre la Grèce et la Turquie, parce que la frontière entre les deux, qui est aussi une des frontières de l'Europe, il y a des passages là où il y a des frontières extérieures de l'Europe. Donc la frontière, elle est le long d'une petite rivière qui s'appelle l'Evros, une petite rivière qui est au large d'une ville qui est une ville turque, en fait, qui est Edirne, Andrinople, qui était une ville donc, qui maintenant est entourée par la Grèce. Donc les gens essayent de traverser la rivière, comme autrefois ils traversaient la ligne l'Oder, donc c'est la Neisse, c'était comme la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, qui était aussi la frontière du monde communiste et du monde occidental. Et bien là, le point de passage, il est très important, parce que beaucoup de gens font le grand tour plutôt que traverser la Méditerranée, où il y a beaucoup de risques de naufrage, où il y a énormément de contrôles, le fameux système Frontex de mise en commun des polices. Mais ils font le tour, si j'ose dire, par notamment des Africains, par l'Égypte, et puis ils entrent en Turquie, et puis ensuite ils vont aller ils vont essayer d'entrer en Grèce. Donc c'est un point très sensible, au point que la Grèce a menacé, enfin a dit à l'Union européenne qu'il fallait qu'elle lui finance un mur pour empêcher les gens qui passaient en Thrace, donc dans cette partie occidentale de la Turquie, pour entrer en Grèce. Et la Grèce, aujourd'hui, qui est en crise économique, a beaucoup de mal à faire face à ces sans-papiers, et puis donne très très peu l'asile. Donc la plupart des gens qui sont là, bah, ils ont peu de chances de ensuite rester en Grèce. En fait, souvent, c'est un point d'entrée pour aller plus à l'ouest. Vous avez dit tout à l'heure pour l'Angleterre, mais c'est vrai pour d'autres pays, que parfois les migrants allaient rejoindre des connaissances, oui, ou de la famille. Voilà. Là, est-ce qu'on retrouve ça en Europe, mais est-ce qu'on retrouve ça aussi ailleurs? Je pense qu'on va passer à la Chine avec les migrations de voisinage. On voit que la Chine, qui est déjà un grand pays, a des fortes communautés chez une partie de ses voisins. Plus sévère, plus la part dans la population totale du pays des Chinois est importante. Est-ce que cela joue aussi, leur créant comme en Europe, parfois des problèmes communautaires, des problèmes d'intégration, de liens entre les populations? On a les mêmes choses en Chine? Alors, différemment. Déjà, pour ce qui est de l'Europe, pour terminer sur ce chapitre, par exemple, les Albanais, qu'on voit très peu en France, hein, c'est 62% des étrangers en Grèce. Donc, c'est très, très important comme population. Ils sont aussi un peu présents en Italie, mais pas dans ces proportions. En Europe, on a deux grandes quasi-diasporas qui sont, d'une part, les Turcs, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas seulement présents en Allemagne, mais qui sont présents dans 6-7 pays européens, la France, bien sûr l'Autriche, on les voit aussi dans les pays du Benelux, en Europe du Nord, etc. Et puis les Marocains, qui sont la deuxième quasi-diaspora, puisqu'ils sont présents en Espagne, ils sont présents en France, en Belgique, aux Pays-Bas, donc dans d'autres pays européens avec lesquels ils ont construit des liens entre eux, comme les Turcs. Pareil pour les Chinois à l'étranger. Alors les Chinois, c'est pas seulement, bien sûr, ils sont surtout dans cette région, donc ça confirme l'hypothèse de la régionalisation des flux, mais ils sont aussi dans le monde entier. On a 50 millions de Chinois dans le monde. Sur une population de plus d'un milliard d'habitants, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup dans la région, par exemple pour le Japon, etc. Donc la migration chinoise dans toute la région est très importante, sauf qu'ils ne viennent pas tous des mêmes régions. L'essentiel de la migration chinoise, elle vient du sud-est de la Chine, en gros la région de Shanghai, parce qu'il y a une grande tradition migratoire, Shanghai, Canton, c'est une grande tradition migratoire depuis très longtemps, depuis le 19e siècle. Et une partie de la migration qu'on a aujourd'hui dans l'Asie du Sud-Est, c'est aussi une migration ancienne. Ce n'est pas uniquement une migration depuis, en gros, la chute du mur de Berlin, qui a aussi ouvert la Chine. C'est-à-dire, ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que la Chine a ouvert ses frontières. Alors qu'avant, c'était difficile pour les Chinois de sortir de chez eux, comme d'ailleurs pour les Soviétiques. Il ne faut pas oublier que les frontières étaient fermées de l'intérieur. Donc la Chine a ouvert ses frontières, donc ça a fait sortir un peu de monde. Ces Chinois, donc, ils ont reconstitué des liens avec leur ancienne diaspora, parfois qui était présente en Malaisie, à Singapour, à Bangkok, etc. De même qu'en France, par exemple, parmi les Vietnamiens qu'on a accueillis après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, beaucoup de ces Vietnamiens, notamment à Paris, étaient d'origine chinoise, d'origine du sud-est de la Chine. Donc ça a été un point d'entrée, si j'ose dire, d'une migration clandestine chinoise en France, à cause de la création de ces liens diasporiques. Alors cette migration chinoise, donc, que l'on trouve dans toute cette région, elle est très présente et entrepreneuriale dans la région, mais aussi elle revient, c'est-à-dire qu'elle envoie beaucoup de fonds dans la région de départ, et c'est pourquoi la Chine encourage beaucoup, bien sûr, sa migration à l'extérieur, parce qu'elle est très active pour créer des entreprises. Beaucoup de capitaux sont des capitaux de l'émigration chinoise. Donc, c'est une source de devises très importante pour la Chine, une source de présence de la Chine dans le monde aussi, qui a une vocation aujourd'hui géopolitique. Donc, c'est très important pour la Chine de soutenir cette présence chinoise dans le monde entier et notamment dans cette région. Elle renforce justement son poids dans la région, son influence. Poids, voilà, son influence, et y compris comme pays non alignée, donc elle a une bonne image dans le sud. Pourquoi d'ailleurs elle s'est installée sans trop de difficultés en Afrique, parce que elle bénéficie de l'image d'un pays du sud qui n'a pas un passé colonial dans la région, dans les pays africains. Donc c'est pas recommencer la colonisation. Donc elle cherche à jouer sa carte de pays du sud qui vient seulement pour faire des affaires, du commerce, créer des infrastructures, mais sans coloniser. Donc la Chine aujourd'hui a tout un volet, disons, de diplomatie de la migration à travers sa présence diasporique dans toutes les régions du sud où elle est présente. L'Inde cherche aussi cette carte pour la même raison. Est-ce que on va s'intéresser dans un instant aux migrations à l'intérieur de la Chine, parce que vous voyez qu'il y a plein de flèches, mais est-ce que les Chinois qui sont en Malaisie, qui sont à Brunei dans les Philippines, ils sont complètement chinois? C'est-à-dire que est-ce qu'on les envoie là-bas aussi donc pour peser, mais est-ce que leur sentiment, leur appartenance nationale est toujours chinoise, ou est-ce qu'ils sont complètement intégrés? Ça me permet aussi de parler rapidement de ce pays qui est la Philippine, parce que dans votre atlas, il y a aussi une carte des Philippines où vous montrez que 10% des Philippins habitent en dehors de la Philippine, et ça représente 13% du PIB. Oui, absolument. Donc, c'est un des pays les plus migrants. La ressource essentielle du pays, c'est le Philippin ou la Philippines à l'étranger. Comme je le disais tout à l'heure, les femmes philippines sont très nombreuses comme infirmières, gardes malades, gardes des personnes âgées, domestiques à domicile, gardes d'enfants, etc. Donc il y a un vrai profil qu'elles se sont constituées. Et les hommes travaillent souvent dans les compagnies de bateaux. Et donc il y a, c'est une ressource encouragée par l'État, parce que ça permet un mieux-être à ceux qui reçoivent ces fameux transferts de fonds. Ça permet de mieux scolariser les enfants, de les faire accéder à la société de consommation, etc. Mais en même temps, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer des CV aux enfants, des écoles en anglais privées, etc., pour la migration, avec l'idée que, bien sûr, ce n'est pas pour les Philippines qui vont former ce genre de gens, mais c'est plutôt pour l'exportation. Donc, il y a une sorte de cercle vicieux migratoire qui se crée. Et les Philippins ont fait une statue à la femme philippine comme bienfaiteur du pays, parce qu'effectivement, par son argent qu'elle envoie et par sa vie très modeste en situation de migration, elle permet aux Philippins de mieux vivre chez eux. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la Chine avait ouvert ses frontières, certes, vers l'extérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus compliqué, oui. Quoique les Chinois le pratiquent. Souvenez-vous du chiffre, premier chiffre que vous avez donné tout à l'heure, 240 millions de migrants dans le monde. C'est quasiment autant de migrants à l'intérieur, de Chinois qui circulent à l'intérieur de la Chine. C'est absolument colossal, hein, même si on est sur une population de plus d'un milliard. Oui. Ça aussi, ça bouleverse l'équilibre de la Chine. Tout à fait. C'est un pays qui est en pleine mobilité, dans un pays où c'est interdit de bouger. C'est ça le grand paradoxe, si j'ose dire. Il y a des passeports intérieurs en Chine. Il y en avait en Russie jusqu'en 1994, ça s'appelait la propiska. Donc pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre de la Russie, il fallait une autorisation de l'État pour pouvoir s'installer ailleurs, sauf si on était envoyé par son entreprise, par son administration, etc. Mais à l'échelle d'un pays de 140, qui avait à peu près 140 millions d'habitants, c'est faisable. Pour la Chine, gérer avec des tampons et des papiers un milliard d'habitants dans sa mobilité intérieure, vous imaginez ce que ça peut représenter. Le problème, c'est que la Chine a toujours eu peur de sa campagne, parce que la campagne était très nombreuse. Il ne faut pas oublier que sous Louis XIV, quand en France on avait 20 millions de Français, il y avait déjà 300 millions de Chinois. Donc l'antériorité de la population de la Chine est quelque chose d'assez ancien. Il faut avoir ça en tête. Et parfois les dynasties ont été n'étaient pas nécessairement la population n'était pas représentative de la population la plus nombreuse à l'intérieur de la Chine. Donc ils avaient peur de cette masse rurale allant vers les grandes villes et donc allant vers Pékin, allant vers les grandes villes du sud-est aussi, comme Shanghai, comme Canton. Donc il était interdit pour un paysan de migrer librement en ville. Et encore aujourd'hui, il y a un passeport intérieur qui s'appelle le Hukou. Et si on ne respecte pas les conditions de ce passeport, c'est-à-dire si on va s'installer définitivement pour travailler à Pékin, ce que font beaucoup de gens, puisqu'il y en a 240 millions, ils ne sont pas tous sans papier, mais ceux qui vont librement perdent tous leurs droits sociaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler légalement, ils peuvent pas mettre leurs enfants à l'école, ils n'ont pas le droit à la santé, ils n'ont plus aucun droit à la retraite, etc. Tous les droits sociaux sont associés au territoire auquel on appartient. Et si on le quitte, on devient sans-papiers. Donc il y a des millions de sans-papiers aujourd'hui à l'intérieur de la Chine qui vivent pour travailler sur des chantiers, par exemple, etc. Quand ils sont venus librement, ils sont, disons, irréguliers dans leur propre pays. Mais en même temps, il y a d'autres raisons de migration intérieure, comme les grands barrages qui créent des millions de déplacements de population, comme la création de villes artificielles sorties de rien à l'ouest de la Chine, parce qu'ils veulent essayer de rééquilibrer, disons, un pays qui a l'essentiel de sa population au bord de la côte à l'est. Et donc, pour essayer de rééquilibrer, il y a une tentative de fixation d'une population à l'ouest du pays. Donc, ça crée des déplacements colossaux de population. Justement, ça me permet, je vais sauter une carte, mais on va y revenir après, c'est celle de l'Afrique. Pour justement cette carte de l'urbanisation, on le voit effectivement en Chine, on le voit aussi beaucoup en Afrique. Ça aussi, l'urbanisation, elle est liée aussi dans une partie du monde au mouvement migratoire. Disons qu'elle elle favorise la migration. Elle précède la migration. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, en un siècle, entre 1950 et 2050, sera passée de 70% de ruraux à 70% d'urbains. Donc c'est une mutation considérable. Pourquoi ? Parce que le prix des matières premières aidant, beaucoup n'ont pas plus les moyens de se maintenir, disons, décemment dans leur région rurale de départ. Et puis, les progrès de la scolarisation, de l'information font qu'ils considèrent qu'on vit mieux à la ville qu'à la campagne. Donc, plus des problèmes éventuellement environnementaux qui font qu'il y a un afflux aujourd'hui vers les villes du monde entier, hein, il n'y a pas seulement en Afrique, mais que l'on voit particulièrement dans le continent africain qui était très rural aussi. Pourquoi est-ce que c'est si rapide? Pourquoi est-ce qu'on le voit en Afrique? Parce que c'était un continent très rural. Donc en fait, cette urbanisation, il y a des villes qui sont en voie de bidonvillisation, d'ailleurs comme au Nigeria par exemple, qui sont très frappées par la question migratoire, parce que les gens immigrent d'abord vers la ville, c'est une migration formation interne. Et puis ensuite, en ville, ils rencontrent tous les réseaux, la formation, mais aussi les réseaux de passeurs, etc. Et souvent, c'est un point de passage pour la migration internationale. Donc l'urbanisation est un instrument, si j'ose dire, d'une migration internationale, souvent. Alors voici donc la carte de l'Afrique. Est-ce qu'elle aussi, elle est très neuve, finalement, cette carte, notamment dans ce qu'elle dit des déplacements internes. Alors si vous voyez un peu les deux cartes, la première que vous avez indique voilà, les conflits, hein, indique les catastrophes sanitaires, et puis la seconde indique les mouvements. Est-ce que ces mouvements sont toujours liés à l'actualité, ou est-ce qu'il y a des grandes tendances qui commencent à se dessiner, parce que l'Afrique est en train de décoller économiquement. Là, il y a eu actuellement un rassemblement de la Banque africaine de développement. Ouais. Ça n'est jamais arrivé à un pays. Eux, ils l'ont fait à un continent entier. Le PIB de l'Afrique a doublé en 10 ans. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des puissances économiques qui commencent à émerger. Est-ce que, du coup, il y a des grandes tendances migratoires qui se dessinent ? Alors, il y a deux grands pôles, comme on le voit d'ailleurs sur la carte, d'accueil, qui sont en gros le Maghreb d'un côté et de l'autre côté l'Afrique du Sud. Donc, il y a une migration intérieure intense, comme je vous l'ai dit, puisque un Africain sur deux migre dans la région et notamment en Afrique, parmi les migrants internationaux, dans un autre pays. Et pas en Europe ou aux États-Unis. Donc, et puis, il y a une migration interne donc, vers les pays qui ont des ressources en matières premières. Par exemple, l'Angola, aujourd'hui, est devenu un pôle très tentant pour la migration. La Guinée, qui a du bauxite. L'Afrique du Sud, bien sûr, à cause de toutes ces richesses du sous-sol, tous ces chantiers de matières premières, qui est un pôle d'attraction pour toute l'Afrique anglophone au sud de l'Équateur. Au nord de l'Équateur, on va plutôt soit vers le Maghreb, donc on a toute une migration qu'on appelle transsaharienne, avec deux points de passage qui sont d'un côté le Niger et de l'autre côté, moins maintenant avec la crise politique, le Mali, et qui consiste à arriver soit en Algérie, soit en Libye, soit au Maroc. Mais plutôt, on a vu d'ailleurs avec la révolution arabe que la Libye n'était pas tellement une terre de départ, mais une terre d'accueil avec le pétrole. La Libye était un grand pays d'immigration pour la région. Puis on a les Égyptiens qui vont surtout soit en Libye, soit vers les pays du Golfe. L'autre caractéristique de cette migration, c'est qu'il y a une partie de la migration en Afrique qui est une migration de transit. C'est-à-dire une migration qui essaye d'arriver en Europe, mais qui n'arrive pas parce qu'il faut traverser la Méditerranée, il y a les contrôles de frontières, il faut payer des passeurs, etc. Et ceux qui échouent dans leur tentative ou qui n'osent pas aller jusqu'au bout, ils restent sur place. Donc on a une importante migration africaine, subsaharienne. Aujourd'hui au Maroc, si vous allez au Maroc, on ne parle plus que de ça dans les grandes villes parce que c'est un sujet. Les clandestins, les sans-papiers, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui sont là? Ils vivotent de petits boulots. Mais en même temps, ils n'ont pas de statut. Bon. Donc, il y a la migration, puisque le Maroc est un lieu de passage vers l'Europe. Il y a, bien sûr, Ceuta, Melilla, la tentative de traverser pour aller en Espagne, etc. Donc, c'est un point de passage très important. En Algérie, on absorbe en partie les sans-papiers avec les chantiers gaziers et pétroliers, mais pas uniquement. Donc, il y a une migration africaine aussi. Et en Libye, beaucoup ont été occupés par le marché du travail jusqu'à la fin de l'ère Kadhafi, mais je pense que ça va reprendre dans l'exploitation pétrolière. Donc on a des mouvements très très importants vers le Maghreb. Et puis alors on a d'autres pôles qui regardent presque uniquement vers le Golfe. Je vous avais dit que les Égyptiens, on en a quelques-uns en Italie, mais ils vont surtout dans le Golfe. Et puis toute la corne de l'Afrique, c'est-à-dire Érythrée, Somalie, Éthiopie. Pour eux, le tropisme, c'est vraiment presque exclusivement le Yémen, mais plus encore les pays du Golfe. Avant d'arriver au pays du Golfe, est-ce que ça veut dire, quand on regarde cette carte et quand on vous écoute, qu'il y a une Afrique en train de se vider et une autre dont la population est en train de croître? C'est un peu caricatural, je vous l'accorde. Oui, disons que alors on a, il y a des régions. Ce qui se vide, c'est il y a des régions de crise. Hein. Par exemple, le Soudan. Une partie des réfugiés cherche à aller en Égypte. Il ne faut pas oublier qu'on a encore le Darfour, qui est un sujet sensible. Une partie de la migration qui était dans les camps, est allée vers le Tchad, qui est voisin. Donc on a des migrations qui sont liées aux crises politiques très très importantes encore dans le continent africain, comme on le voit sur les points que vous avez ici sur la carte. Partout où il y a des petites étoiles, c'est là où il y a des conflits. Alors, venons donc au Golfe. Alors on le voit, je crois que la carte parle d'elle-même. Alors là, c'est quoi comme migration? C'est migration pour le travail, donc migration temporaire, oui. Avec aussi un statut avec un statut du réfugié qui est. Non, il y en a pas. Voilà, il n'y a aucun statut. Donc c'est un accueil, c'est la migration de travail, tout simplement, aussi bien masculine que féminine. Les femmes sont souvent des employées domestiques, philippines ou alors venant de pays voisins. Donc, mais pendant très longtemps, les pays du Golfe ont encouragé plutôt une migration, arabo-musulmane. Et puis ensuite, ils sont aperçus que ça pouvait être une forme de déstabilisation par rapport à leurs pratiques très traditionnelles de la religion. Donc, ils ont plutôt encouragé une migration non musulmane, avec notamment les femmes philippines. Et puis, on a d'autres populations qui viennent aussi d'Asie, qui ne sont pas tous des musulmans, qui vont travailler dans le Golfe. Ce qu'il faut voir, c'est que la migration, c'est une migration souvent considérée comme d'assez courte durée, pas uniquement de très courte durée, mais d'assez courte durée pour des programmes, c'est-à-dire des chantiers bien précis, avec très peu de droits sociaux. La plupart des migrants n'ont pas le droit au regroupement familial. Il n'y a pas de reconnaissance du statut de réfugié. Les femmes sont souvent très maltraitées. Souvent, ces pays ont été condamnés par toutes les cours des droits de l'homme en la matière. Donc, c'est vraiment une conception très, très limitée au travail de la migration. Mais dans certains pays, il y a plus de migrants que de nationaux. Parce que ce sont des pays qui ont beaucoup de richesses, mais qui sont très peu peuplés. Le Qatar, évidemment, en est un exemple. Mais vous m'avez repris donc, sur le fait que ce n'était pas des migrants temporaires. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont arrivés dans le Golfe, ils restent dans le Golfe et se déplacent à l'intérieur du Golfe? Certains, oui. Notamment les Égyptiens, par exemple. Il y a aussi des retours. Par exemple, avec la guerre, les guerres du Golfe, ça a fait un retour assez massif des Égyptiens. Tous ne sont pas repartis travailler dans le Golfe parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient assez mal traités. D'autres, les Pakistanais, qu'on trouve aussi travailler dans ces pays-là, y retournent, effectivement. Mais je pensais, par exemple, aux femmes qui travaillent dans les services domestiques. Ce n'est pas uniquement un travail saisonnier, c'est un travail qui peut durer plusieurs années. Alors, autre pays qui attire et qui a basé évidemment une partie de son histoire, outre les Amérindiens, sur l'émigration, ce sont évidemment les États-Unis. La carte que vous voyez, donc, vous l'avez titrée, alors je ne sais pas si c'est une provocation ou non, mais la Reconquista, progression des Latinos aux USA, ce que serait quand on voit les points rouges, c'est l'ancien Mexique qui a été, les États qui ont été vendus aux États-Unis. C'est véritablement ça qui est en train de se passer ou c'est une nouvelle migration? Alors, ce n'est pas nécessairement s'ancre. Volontaire, mais c'est lié à. Il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire, outre l'histoire du sud des États-Unis, puisque les États du sud, tous ceux qui ont des noms espagnols, la Californie, l'Arizona, bien sûr le Nouveau-Mexique, le Texas, la Floride, étaient des États qui appartenaient à l'Empire espagnol et puis ensuite au Mexique. Donc qui ont été achetés pour l'essentiel par les États, ou conquis ou achetés par les États-Unis pour faire un bloc plus important pour le nombre d'États américains, donc qui étaient peuplés par une population mexicaine, indienne pour l'essentiel. Donc dans ces États-là, on a eu un autre élément important, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une pénurie de main-d'œuvre toujours, et on est allé chercher entre 1942 et 1965 pour travailler pendant la période de guerre et après les Mexicains. Donc notamment en Californie, dans tout Arizona, Texas surtout. Et c'est ce qu'on appelle le Bracero programme, qui a été arrêté en 65. Sauf que l'habitude d'aller travailler aux États-Unis s'était prise, si j'ose dire. Et donc les gens ont mal accepté que tout d'un coup, que les États-Unis ferment l'immigration. Et ils ont pris l'habitude d'essayer de traverser la frontière. Donc la frontière, elle va de San Diego jusque, vous le voyez sur la carte, jusque au sud du Texas. C'est une très longue frontière. Il y a un mur qui a été entamé en 2006 du temps de Bush, qui n'est pas terminé parce que c'est cher. Puis, de toute façon, il y a des endroits où le désert tient lieu de frontière. Il y a juste une petite corde qui sert de frontière. Mais ce qu'il faut, c'est survivre dans le désert. Donc, c'est ça, la frontière. Puis après, il y a la rivière, donc le Rio Grande du côté d'El Paso. Puis après, il y a les Texans qui eux-mêmes contrôlent la frontière spontanément, armés, en considérant 2006, que c'est eux qui doivent faire le boulot à la place de l'État. D'ailleurs, il y avait eu une affaire en Arizona parce que des gardes de l'État avaient voulu faire les gardes frontières. Et il y a eu un jugement d'ailleurs aux États-Unis en disant que les gardes des États n'ont pas à être gardes frontières, c'est pas leur, ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Donc le résultat, c'est qu'il y a des morceaux d'État là, en Californie, le sud de la Californie est devenu complètement hispanique. Si vous arrivez à, par exemple en Floride par avion, ben, vous avez un premier appel qui est en espagnol, etc. Il y a des écoles qui sont complètement en espagnol. Si vous vivez au quotidien à Austin, vous pouvez vivre complètement en espagnol. Le mode de vie est devenu mexicain, donc ça change complètement le, disons, l'histoire que les États-Unis se racontent d'eux-mêmes. C'est plus les blancs venus d'Angleterre et d'Irlande ou d'Allemagne, c'est les Mexicains. Il y a à peu près 11 millions de sans-papiers aux États-Unis. Dans le programme d'Obama, il y a la régularisation des sans-papiers, mais qui tarde un petit peu à venir parce que c'est une masse importante. Quand ils ont acquis la nationalité américaine, ben, ils votent. Donc tous les présidents américains, c'est pour ça qu'il y a une promesse en la matière, courtisent, si j'ose dire, cette population, ce qui fait un grand plaisir au Mexique, parce que c'est une façon pour le Mexique d'avoir une influence sur les États-Unis, pas seulement sur le statut des Mexicains, mais sur toute une série d'accords commerciaux, etc. Donc il y a une sorte de marchandage par le vote des Chicanos, c'est-à-dire les gens qui sont d'origine mexicaine, mais qui ont acquis la nationalité américaine, qui sont courtisés par les Mexicains comme stratégie d'influence aux États-Unis. Et en Californie, par exemple, ils ont parfois fait basculer des majorités parce qu'ils étaient nombreux dans certaines villes ou dans certaines régions de l'État. Donc c'est tout à fait quelque chose d'important dans tout le sud des États-Unis. Des votes communautaires qui changent effectivement l'identité absolument. Américaine. Ça aussi, évidemment, bon, c'est un peu une banalité de le dire, mais ça a aussi été, on le retrouve aussi ailleurs dans le monde, un enjeu majeur des diplomaties, des tentatives de se comprendre entre le gouvernement mexicain et le gouvernement américain. Oui, il y a eu des tentatives qui avaient un peu échoué après le 11 septembre, mais disons que le gouvernement Fox au Mexique avait été très actif sur la défense des intérêts du Mexique aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que les sans-papiers sont une force économique considérable dans les États du Sud. En 2006, ils avaient fait une grève en disant « Imaginez le monde sans nous ». L'économie s'était arrêtée pour montrer aux Américains pendant une journée toutes les activités qu'ils tenaient. Et eux, les sans-papiers, ils disent « c'est pas nous qui traversons la frontière, c'est la frontière qui nous traverse », pour dire bah, finalement, c'est la même population qui est de chaque côté de la frontière, ce qui est vrai, parce que des communautés indiennes, pour beaucoup, et donc c'est la même population, effectivement. Avant-dernière carte, je vais aller un petit peu vite, parce qu'on est presque arrivé au terme, c'est la migration des étudiants. Alors là, c'est très clair, on reste sur les anciens flux du sud vers le nord. Oui. En rouge sont les pays d'origine, et puis les pays d'origine et les cercles bleus, les pays d'arrivée. Est-ce que là aussi, ça peut dessiner un monde de demain, parce que les mouvements restent un peu les mêmes au niveau de l'économie, au niveau de la connaissance? Alors disons qu'il y a toujours les fous foyers attractifs, si j'ose dire, pour les étudiants, qui sont les pays de langue anglaise, les pays qui ont des hautes technologies, qui ont des universités réputées. Ce que l'on voit aussi, des pays qui cherchent à installer, sédentariser les étudiants pour en faire, comme le Canada, des futurs citoyens, ce qui rend attractif le pays, ou comme l'Australie, même chose, parce qu'ils veulent se peupler, ce sont des pays assez vides, donc il y a une forte attraction. L'Europe reste très attractive également, comme on peut le voir. Et puis, les pays qui ont une tradition de mobilité, par exemple, on voit que le continent africain est très mobile en termes d'étudiants. On voit également que d'autres pays n'ont pas beaucoup de tradition de mobilité, comme par exemple l'Amérique centrale et le Mexique, l'Amérique centrale, andine, il y a moins de mobilité. C'est-à-dire quoi? C'est au niveau de l'éducation ou oui, besoin sans doute. La plus grande difficulté, peut-être aussi, à obtenir des papiers pour bouger, ou l'idée qu'on va plutôt, si on est diplômé, on va s'en sortir sur place aussi. Donc, et que la migration, c'est pour les moins qualifiés. Donc il y a toute une série de facteurs qui font qu'il y a des traditions plus ou moins fortes pour la mobilité étudiante. Mais il y a des pays qui misent presque entièrement là-dessus, en réalité, hein, comme beaucoup de pays africains. Et ça aussi, ça participe des discussions au niveau des diplomaties, au niveau des accords entre États, la connaissance et... Oui, il y a toute une... Bah oui, parce qu'aujourd'hui, en Europe, par exemple, il y a des métiers dont on commence à manquer. Les médecins, par exemple, on en parle beaucoup. On prend des médecins roumains en milieu rural, on prend des médecins africains ou maghrébins en milieu hospitalier. Parce que je crois que dans vous citez le Malawi et la ville de Manchester, ça, où voilà. Il y a plus de médecins du Malawi à Manchester, donc en Angleterre, que dans le Malawi. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une forte attraction à cause de meilleurs salaires, de meilleures conditions aussi d'exercer leur spécialité. Ils ne rêvent pas tous d'être des médecins de brousse. Dans l'ensemble, c'est plutôt des Européens qui, pendant un temps de leur vie, font ce travail s'ils sont prêts à s'investir dans ce genre de fonction. Mais ce n'est pas tellement le cas des Africains qui veulent plutôt une bonne spécialisation dans des hôpitaux européens, par exemple, ou américains. Et donc, ils restent ensuite parce que s'ils ont été très formés dans une technologie pointue, ben chez eux, ils ne vont pas trouver ça dans un hôpital africain. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi, pour d'autres cas, ben maintenant, avec l'Europe, la question de l'équivalence des diplômes, on a fait des numerus clausus dans beaucoup de pays européens, comme en France, pour la médecine. C'est en train d'exploser avec l'Europe, puisqu'on va donner l'équivalence des diplômes entre les États européens. Donc, si on ne peut pas faire ses études dans tel pays, on va aller étudier ailleurs, puis on va travailler dans un autre pays européen. Il y aura une plus grande mobilité en la matière. Mais il y a beaucoup d'autres métiers pour lesquels il y a des pénuries de qualifiés, de très qualifiés, de moyennement qualifiés. On parlait du plombier polonais, ce qui est une réalité en France aujourd'hui, en termes de manque de plombiers, par exemple. Donc, c'est vrai que les pays de l'Est ont fourni beaucoup de métiers qualifiés du bâtiment depuis la chute du mur de Berlin, par exemple. Il y a toute une série de phénomènes qui se développent, qui sont liés à cette mobilité des moyennement et des très qualifiés. Une dernière carte, c'est les causes des migrations environnementale. Elle dit quoi cette carte du monde de demain? Parce que là, on est sur des migrations qui sont un petit peu différentes, parce qu'il y a c'est le pays d'origine qui risque de se déplacer. Donc la culture d'origine et la manière d'être intégré, d'être accueilli dans un nouveau territoire. Tout à fait. Alors c'est un phénomène qui il faut pas oublier que c'est un phénomène qui a toujours existé. Hein. La Bible. Le déluge, c'est des déplacés environnementaux. Le tremblement de terre de Lisbonne avec la situation décrite par Voltaire, c'était déjà des déplacés environnementaux. Le Dust Bowl aux États-Unis, les raisins de la colère, c'est déjà des déplacés environnementaux à l'échelon des États-Unis. Donc, c'est pas quelque chose d'uniquement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que le réchauffement climatique, le changement climatique a amené de nouvelles formes de déplacements environnementaux plus massifs, notamment la fonte des glaciers, par exemple. La fonte des glaciers, c'est très important dans les pays qui reçoivent les grands fleuves indiens de l'Himalaya, qui viennent de l'Himalaya, parce que là, c'est des masses colossales, dont le Bangladesh. C'est le premier pays menacé aujourd'hui par la montée du delta du Gange, et donc dans un pays qui a très peu de moyens pour faire face à ce genre de catastrophe. Donc, on a la montée de la fonte des glaciers, on a la montée des eaux, par exemple les Maldives, les îles Tuvalu dans le Pacifique à côté des Fidji qui sont menacées. Il y a également les terres qui ont été créées sur les polders, par exemple néerlandais, qui sont menacées. On a également la désertification qui est liée parfois d'ailleurs à une surexploitation des sols et à la déforestation, comme au Brésil ou dans certains pays du Sahel. On a également les cyclones, les tornades qui se sont multipliées dans l'Atlantique. On a également d'autres, les inondations, comme on en a vu à Bangkok, mais qu'on en a vu aussi beaucoup en Europe de l'Est, en Allemagne, aujourd'hui c'est le Danube, etc. Donc il y a des tas de phénomènes qui se sont rapprochés dans le temps et qui font que les experts du climat prévoient qu'on pourrait avoir jusqu'à 200 millions de déplacés environnementaux à la fin de ce siècle. Donc autant que de migrants internationaux que nous avons. Mais les migrants environnementaux, ce sont surtout des migrants internes dans leur pays. Parce que là, ce n'est pas des gens qui construisent leurs projets migratoires, comme la plupart de ceux dont on a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas tellement des migrants que les employeurs vont chercher chez eux et vont faire travailler. C'est des gens qui ont décidé de venir, qui ne trouvent pas d'ailleurs toujours du travail là où ils sont arrivés. Là, c'est des gens forcés, des migrations forcées, comme les réfugiés. Mais en même temps, D'une part, il n'y a aucun statut pour ces gens-là. Il n'y a pas de texte qui prévoit qu'on va les protéger, qu'on va leur donner un statut. Ça, c'est la première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que ce sont souvent les plus pauvres qui sont les plus menacés, parce que c'est ceux qui ont les habitats les plus précaires, qui sont au bord des fleuves, au bord de la mer, dans des bidonvilles, dans des zones inondables, etc., des zones en voie de désertification. Donc, en fait, ils ne vont pas loin. Pour l'instant, à l'échelle mondiale, ce sont pas les plus pauvres ne sont pas encore entrés en migration, si j'ose dire. Donc, en fait, ce sera surtout une migration interne des États. Et comme on le voit sur la carte, même si le Nord est considéré comme en partie responsable du réchauffement climatique, du changement climatique, bah c'est le Sud qui paye. Hein. L'essentiel des catastrophes, elles sont prévues au Sud de la planète. Donc ça va être plutôt une migration Sud-Sud. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ça je crois que ça l'indique, cette thématique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui va changer, d'ailleurs qui va tourner en termes de migration. On va avoir dans 20 ans autant de migrations qui vont vers le Nord que de migrations qui vont vers le Sud. Ça va être